Tu m'entends? C'est le kit? Salut, c'est le kit. Tu m'entends? En fait, on teste le micro à plusieurs. Ah non, je suis dans la room, on attend. Thank you. Ah, je me roule une clope, j'arrive. Non, mais... Ah, moi, si c'est pas accordé, je sais plus jouer après. Hein. Non, je déconne. Moi, je sais pas jouer, mais je sais l'accorder. C'est le contraire. Non, il y avait un truc qui allait pas. En fait, dès que tu as accordé une seule corde, tu peux accorder les autres. Non, parce que j'ai poigné la guitare, je crois. Je sais pas hello, si... hello, Perek. Je vais accorder. Ça dépend, tu sais, les cordes du milieu, c'est les deux cordes ou les boutons. Les boutons, ils sont au bout, là. Les boutons qui. Perico, c'est pas bon. Ça c'est de l'art au moins. Non, je déconne, je sais pas jouer hein, en vrai. Je fais deux trois trucs. I don't know how to play. At all. Ou presque, almost.